الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Donc ceci est le troisième cours, les cours sur le livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah et une explication du Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Durant le dernier cours, on s'était arrêté dans le chapitre Babu Fadli Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, du mérite du Tawhid et de ce que le Tawhid expie et pardonne comme péché. On avait expliqué la parole d'Allah Azza wa Jal, Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. C'est bien là où on s'est arrêté. Hein? Naam? On avait fini ce verset. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. سنو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée seule sauf Allah, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et envoyé, et que Isa est le serviteur d'Allah et son envoyé, et sa parole qu'il a inculquée en Maryam est une âme venant de sa part, venant de lui, c'est-à-dire d'Allah Azzawajal, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis en fonction de ce qu'il a accompli comme œuvre. Akhrajah, c'est-à-dire le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ubadat ibn al-Samit, wa huwa Ubadat ibn al-Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji, ahad an-nuqaba badri mashhur, tuwfiya sanata 34 min al-Hijrah wa lahu 72 sana. Shahida an la ilaha illa Allah. تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده حال مؤكد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي وأن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده مملوكه وعابده ورسوله مرسله بشريعته وأن عيسى أي وشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة وكلمته أي أنه خلقه بكلمة وهي قوله كن ألقاها في إلى مريم أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى منه أي منه خلقا وإيجادا كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وجميعا منه سورة الجاثية الآية السادسة عشر. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كي عبادة بن الصامت ابن قيس كي أنصاري كي في partie de l'Ansar et qui fait partie également de la tribu de Khazraj. Et il fait partie de ceux qui ont assisté et participé à la bataille de Badr, qui, comme vous le savez, est la première bataille de l'islam. Il est décédé, radiyallahu anhu, en l'an 34 de l'Hégire, à l'âge de 72 ans. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, va expliquer de façon brève le hadith, phrase par phrase ou ensemble de mots par ensemble de mots. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adoré qu'Allah, c'est-à-dire celui qui prononce ses paroles en connaissant leur sens et en mettant en pratique les implications de cette parole de façon apparente et cachée. De façon apparente et cachée. La ilaha illallah, cela signifie que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, seul, ceci pour appuyer l'unicité. La sharika lah, point d'associer à lui, ceci pour exprimer et pour appuyer encore une fois qu'Allah azza wa jal n'a aucun associé. Celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah seul, sans ne rien lui associer, et que Muhammad est son envoyé et son serviteur est envoyé. Abduhu, serviteur, c'est-à-dire celui qui appartient à Allah et le serviteur d'Allah. Wa rasuluhu, et son envoyé, c'est-à-dire celui qui a été envoyé avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a pour fonction de transmettre la législation d'Allah Azza wa Jal. Et que Isa, c'est-à-dire, et qui atteste que Isa, le fils de Marie, Jésus, fils de Marie, Abdullah wa Rasuluh, que Isa, fils de Marie, que Jésus, fils de Marie, alayhi salam, est l'esclave d'Allah et son envoyé. Ceci contrairement à ce que croient les chrétiens, en prétendant que Isa, alayhi salam, est soit Allah, ou soit le fils d'Allah, ou soit le troisième des trois. Wa kalimatuhu, et sa parole, c'est-à-dire que Isa alayhi salam a été créé par la parole d'Allah azza wa jal qui est kun, soit, et il est kun. Et Allah azza wa jal, lorsqu'il dit une chose kun, fa, fayakun, cette chose est et existe. Et ceci est clairement cité dans Surat Ali Imran. Alqaha ila Maryam, une parole qui a été inculquée en Maryam, en Marie. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a envoyé Jibril alayhi salam avec cette parole afin que Jibril l'insuffle en Maryam alayhi salam, afin qu'il insuffle en Maryam une âme créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun, et une âme, c'est-à-dire que Isa alayhi salam est une âme parmi les âmes qu'a créé Allah azza wa jal. Wa ruhun min, une âme émanant de lui, provenant d'Allah azza wa jal, c'est-à-dire que c'est Allah azza wa jal qui a fait en sorte que cette âme existe, et c'est lui azza wa jal qui l'a créé. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, cite un exemple dans le Coran, sourate Al-Jathiyah, le verset 13, où Allah azza wa jal dit: et il a mis à votre disposition ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, le tout provenant de lui. C'est-à-dire que les cieux et la terre et ce qu'elles contiennent provient et a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أي شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما أدخله الله الجنة جواب الشرط السابق من قوله من شهد على ما كان من العمل يحتمل معنيين الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة الثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله أخرجاه أي روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant « Et que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai. » C'est-à-dire, et qui atteste que le paradis et l'enfer dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, dont Allah azza wa jalla nous a parlé dans son livre, existent réellement et il n'y a aucun doute à leur sujet. « Adkhalahu Allahu al-jannah » Allah le fera entrer au paradis. Ceci est la réponse à la condition qui a été citée au début du hadith. Le professeur Hassan m'a dit, celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité, qui ne mérite d'être adoré seul, sans rien ne se sait qu'Allah. Que Muhammad est son esclave et son envoyé. Que Isa est son esclave et envoyé. Et que c'est un esprit venant de lui. Qui atteste que le paradis est vrai et que l'enfer est vrai, ensuite, quelle est la réponse à ce conditionnement? Qu'est-ce qui est conditionné à tout ça? C'est bien sûr l'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Adkhalahu Allahu al-jannah » Allah le fera entrer au paradis. Donc ceci est la réponse à la condition qui a été posée au début du hadith. Selon, il entrera au paradis selon ou en fonction de ce qu'il a accompli comme œuvre. Il entrera au paradis en fonction de ce qu'il a accompli comme œuvre. Ici, il y a deux sens possibles. Le premier sens, c'est-à-dire qu'Allah le fera entrer au paradis, même s'il a commis des manquements, et même s'il a commis des péchés. Car celui qui adore Allah seul sans ne rien lui associer, entrera obligatoirement au paradis. Sa distance, sa destination finale sera le paradis. Mais cela, est-ce que cela nie le châtiment? Non. S'il a commis des péchés et qu'Allah azza wa jalla ne lui pardonne pas, il entrera en enfer pour y être châtié, mais dans tous les cas, parce qu'il a adoré Allah Azza wa Jal seul, sans ne rien lui associer, un jour ou l'autre, il sortira de l'enfer et entrera au paradis. Et la deuxième signification, ou le deuxième sens possible de cette parole, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis, et que son degré, le degré dans lequel il résidera au paradis, sera proportionnel à ses œuvres. Plus il aura été pieux et plus son degré au paradis sera élevé. Donc c'est ce que l'on peut comprendre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah le fera entrer au paradis selon ce qu'il a fait comme œuvre. Donc ici, il a peut-être fait le premier sens, c'est qu'il peut avoir fait des péchés, mais malgré cela, sa destination finale sera le paradis. Ou sinon, on comprend le hadith en disant que Allah Azza wa Jalla le fera entrer au paradis et lui donnera un degré au paradis proportionnel et égal aux actes qu'il a commis et aux œuvres pieuses qu'il aura commis, qu'il aura œuvré dans cette vie d'ici-bas. Akhrajah, ils l'ont rapporté en parlant au duel ici, c'est-à-dire que a rapporté ce hadith Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih, dans leurs deux livres qu'ils ont appelés les deux as-sahih, le premier sahih Al-Bukhari et le second sahih Muslim, qui sont les deux livres les plus authentiques après le livre d'Allah Azza wa Jal. Les deux livres les plus authentiques après le livre d'Allah sont tout d'abord Sahih al-Bukhari et ensuite Sahih Muslim. Al-ma'na al-ijmali yulil hadith, le sens général de ce hadith. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبي في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe en nous expliquant le mérite du tawhid et la noblesse du tawhid, que celui qui prononce les deux attestations, en connaissant leur sens et en mettant en pratique de façon apparente et cachée ce que ces deux paroles et ces deux attestations impliquent, et s'abstient de l'exagération. Et s'abstient également du manquement ou du laxisme envers les deux prophètes nobles que sont Isa alayhi salam et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, en croyant en leur message et en attestant que ce sont tous les deux des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Isa alayhi salam ainsi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont rien, on ne les caractérise pas par ce qui est propre à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont donc pas la connaissance de l'invisible. Ils ne donnent pas la pourvoyance. Ils ne contrôlent pas l'univers. Ils n'ont pas le pouvoir de donner la vie et de donner la mort. Tout ceci sont des actes dont Allah Azza wa Jal est le seul détenteur. Ainsi, Isa alayhi salam et Muhammad alayhi salatu wassalam n'ont aucune part dans l'unicité de la seigneurie. Et celui également qui est persuadé de l'existence du paradis et de l'enfer, eh bien, sa destination finale sera le paradis, même si il a commis des péchés qui ne sont pas du polythéisme, qui ne sont pas du shirk. Munasabatul hadith lilbab, anna fihi bayana li fadli at-tawhid وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Le contexte est clair, car dans ce hadith il y a une explication du mérite du tawhid et que le tawhid est une cause qui fait rentrer au paradis et qui permet de pardonner les péchés. ما يستفاد من الحديث ce que l'on retient de ce hadith. أولا فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. Premièrement, l'on retient de ce hadith le mérite du tawhid et que par ce tawhid Allah Azza wa Jal efface les péchés. ثانيا سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى. Deuxièmement, l'immense étendue de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa bienfaisance. Troisièmement, ثالثاً وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. Troisièmement, on retient de ce hadith l'obligation de s'abstenir de toute exagération et de tout manquement à l'égard des prophètes et des vertueux. Nous ne renions en aucun cas leur mérite, de même que nous n'abusons pas sur leur personne au point de leur vouer une partie de l'adoration, comme le font certains ignorants et égarés. Rabi'an, anna aqidat al-tawhid tukhalifu jami' al-milal al-kufriyati من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين. Quatrièmement, que la croyance du tawhid contredit l'ensemble des croyances mécréantes parmi les juifs, les chrétiens, les associateurs, les polythéistes, ainsi que les athées. خامسا, أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. Cinquièmement, on retient de ce hadith que ceux qui appliquent le tawhid mais commettent des péchés qui ne sont pas du shirk ne resteront pas éternellement en enfer. Ne resteront pas éternellement en enfer. ولهما ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Et selon les deux, c'est-à-dire selon Bukhari et Muslim, dans le hadith de Itban, رضي الله تعالى عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a interdit à l'enfer celui qui dit « La ilaha illallah » en recherchant dans cela la face d'Allah. » Allah a interdit à l'enfer celui qui dit « La ilaha illallah » en recherchant par cela la face d'Allah. Ou le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Itban, huwa Itban ibn Malik ibn Amr, ibn al-Ajlan al-Ansari, min bani Salim ibn Awf, sahabi mashhur, mata fi khilafati Muawiyah. Walahuma, ay rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima hada al-hadith bi kamalihi, wa hada tarafun minh. حرم على النار التحريم المنع أي منع النار أن تمسه يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك ولم يقلها نفاقا. عتبان كي عتبان ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري c'est également un أنصاري رضي الله عنه qui fait partie de attribut de Sa'l ibn Awf, et c'était un compagnon réputé et connu qui est mort lors du califat de Muawiyah radiyallahu ta'ala anha. Walahuma, ce que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit walahuma, c'est-à-dire qu'il a été rapporté également par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih, et Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, ont rapporté ce hadith dans sa totalité. Et ceci n'est qu'une partie de ce hadith. Cette phrase citée par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab n'est pas le hadith de Itban dans sa totalité, mais uniquement une partie de celui-ci. حرم على النار, Allah a interdit à l'enfer, c'est-à-dire qu'il interdit à l'enfer de le toucher, c'est-à-dire de toucher celui qui dit La ilaha illallah. يبتغي بذلك وجه الله, en recherchant dans cela la face d'Allah, c'est-à-dire en étant sincère par son cœur et en mourant dans cet état. Et cela veut dire également qu'il ne la dit pas par hypocrisie. Qu'il ne la dit pas par hypocrisie, car les hypocrites disaient Amanna. Ils disaient nous croyons. Ils disaient la ilaha illallah, mais ils ne le disaient pas avec sincérité. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفى الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de façon catégorique que celui qui prononce la parole La ilaha illallah en voulant, tout en connaissance de cause, en la disant avec sincérité et en délaissant le shirk, en délaissant le polythéisme, et en mettant en pratique cette parole de façon apparente et cachée, et meurt dans cet état, eh bien, l'enfer ne le touchera pas le jour du jugement. مناسبه الحديث للباب ان فيه دلاله واضحه على فضل التوحيد وانه يوجب لمن مات عليه النجاه من النار وتكفير السيئات. Pourquoi ce hadith a été cité dans ce chapitre? Eh bien, la preuve est claire. Il y a dans ce hadith une preuve claire et évidente qui montre le mérite du tawhid et que celui qui meurt en étant dans le tawhid, eh bien, sera préservé de l'enfer et ses péchés seront pardonnés. Ma yustafadu min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith. أولا فضل التوحيد وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا. Premièrement, le mérite du tawhid est que le tawhid épargne de l'enfer et efface les péchés. ثانيا أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il ne suffit pas pour croire de prononcer des paroles sans les accompagner d'une croyance profonde, avec le cœur, comme c'est le cas des hypocrites. Les hypocrites disaient par leur langue ce qui n'existait pas dans leur cœur. Ainsi, cette croyance ne leur était d'aucun bénéfice. ثالثا انه لا يكفي في الايمان الاعتقاد من غير نطق كحال الجاحدين. Troisièmement, on retient de ce hadith qu'il ne suffit pas pour croire de croire sans prononcer, comme c'est le cas de ceux qui renient Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, pour croire, il faut prononcer avec sa langue et croire avec son cœur. Le professeur Hassan a dit, « Man qala, celui qui dit, la ilaha illallah, mukhlisan min qalbi. » Celui qui dit, la ilaha illallah, en toute sincérité par son cœur. Donc, il faut le dire et être sincère. Celui qui le dit, sans être sincère, cela n'est pas, ne lui sera pas profitable. De même que s'il le croit, et on entend beaucoup cette parole, moi la croyance est dans mon cœur. La croyance c'est dans mon cœur. Non, la croyance c'est dans le cœur, mais pas seulement dans le cœur. Il faut aussi le prononcer avec la langue. Et la foi, c'est également des actes. Al-Iman, ou comme on dit, une multitude de salaf, qawlun wa amalun wa i'tiqad. Que la foi, ce sont des paroles, des actes et une croyance. Rabi'an, tahrimun nari ala ahli tawhid al-kamil. Quatrièmement, l'interdiction de l'enfer envers les gens du tawhid complet. Envers les gens du tawhid complet, ceux qui ont un tawhid complet. Khamisan, أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cinquièmement, il y a dans ce hadith la preuve que les actes ne peuvent bénéficier en la faveur de celui qui les a faits que lorsque cet acte est entièrement sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sixièmement, sadisan, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghayra Allah lam tanfa'hu ka hali 'ibadi al-qubur al-yawm yaquluna la ilaha illallah وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم. Sixièmement, que celui qui dit la ilaha illallah tout en invoquant autre qu'Allah, eh bien cette parole ne lui sera d'aucun bénéfice. Comme c'est le cas des adorateurs des tombes aujourd'hui qui disent la ilaha illallah mais en même temps invoque les morts et se rapproche d'eux. Invoque les morts et se rapproche d'eux. Ceux-là ont-ils dit la ilaha illallah en toute sincérité, en recherchant la face d'Allah? La réponse est non. Car s'ils avaient dit la ilaha illallah en toute sincérité, eh bien, ils n'auraient voué aucune adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi'an, isbatu al-wajhi lillahi ta'ala. على ما يليق بجلاله وعظمته. Septièmement, on retient de ce hadith l'attestation du visage à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a un visage conformément à sa majesté et son immensité subhanahu wa ta'ala. Donc nous attestons qu'Allah Azza wa Jal a un visage, car Allah Azza wa Jal se l'est attesté dans son noble livre, et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam lui a attesté dans de nombreux hadiths authentiques, dont ce hadith de Itban, qui est, comme on l'a dit précédemment, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa alayhi salam a dit, ô Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoquerai et par laquelle je t'invoquerai. Il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, dis ô Moussa, la ilaha illallah. Moussa dit, ô Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Et Allah Azza wa Jal a dit, ô Moussa, si les sept cieux et tout ce qu'elles contiennent en dehors de moi, et les sept terres étaient dans un plateau, et la ilaha illallah dans un autre plateau, eh bien, la balance tendrait vers la ilaha illallah. Rawahu ibn Hibban wal Hakim wa sahahah. Abu Sa'id al-Khudri. Huwa Abu Sa'id al-Khudri, Sa'd ibn Malik, ibn Sinan, al-Khazraji al-Ansari al-Khudri, nisbatan ila bani Khudrah. صحابي جليل وابن صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مات سنة 74 من الهجرة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. كي أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان Al-Khazraji ou l'Ansari, qui fait également partie de la tribu de Al-Khazraj et qui fait partie également des Ansar. Et Al-Khudri, qui est une affiliation à la tribu de Banu Khudra. C'est un immense compagnon et le fils d'un compagnon. Abu Sa'id Al-Khudri est un compagnon, fils d'un compagnon. Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu. Et il a rapporté de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est décédé radiyallahu anhu en l'an 74 de l'Hégire. Moussa huwa Moussa ibn Imran rasulullah ila bani Israël wa kalimullah adhkuruka uthni alayka wa ahmaduka bih وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك يقولون هذا أي هذه الكلمة وعامرهن غيري من فيهن من العمار غير الله في كفة أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت بهن رجحت عليهن. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes du hadith. Moussa, qui est cité dans ce hadith, c'est bien sûr Moussa, le fils de Imran, l'envoyé d'Allah, qui a été envoyé au fils d'Israël, et Moussa, alayhi salam, est également le titre de Kalim ur-Rahman, celui qui s'est adressé au tout miséricordieux. Adhkuruka, lorsque Moussa alayhi salam a dit, ô Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je t'évoquerai et je t'invoquerai par celle-ci. Adhkuruka, je t'évoquerai, c'est-à-dire que je ferai tes éloges et enseigne-moi quelque chose par laquelle je proclamerai ta louange. Wa ad'uka bih, par laquelle je t'invoquerai, c'est-à-dire que j'utiliserai cette chose que j'utiliserai comme moyen de me rapprocher de toi lorsque je t'invoque. Et al-wasila, c'est le fait de prendre, d'utiliser une chose pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez tous que parmi le tawassul mashrou', que parmi les moyens légiférés qui te permettent de te rapprocher d'Allah, c'est d'utiliser ces actes pieux. D'utiliser ces actes pieux comme les trois qui se sont retrouvés dans une grotte et dont un énorme rocher a fermé là l'entrée. Et chacun s'est rapproché d'Allah Azzawajal par un acte pieux qu'il a fait. Donc cela fait partie de At-Tawassul Al-Mashru'. Et il y a aussi At-Tawassul Al-Mamnu'. Comme ce que font beaucoup de soufis qui utilisent ou qui se rapproche d'Allah par l'intermédiaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, je te demande par le statut du prophète telle et telle chose. Et ceci, les savants sont unanimes que cela est interdit et n'est pas légiféré. Allah Azza wa Jalla lui a dit, ô Moussa, dis la ilaha illallah. Et Moussa, alayhi salam, a dit, ô Seigneur, tout le monde dit cela, c'est-à-dire yaquluna hada, c'est-à-dire tout le monde dit cette parole. Et Allah Azza wa Jal lui a alors dit, ô Moussa, si les sept cieux et ce qu'elles contiennent en dehors de moi, c'est-à-dire tout ce que les cieux contiennent comme habitants ou objets en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, fi kiffah, sur un plateau, c'est-à-dire que si toutes ces créatures, si toutes les créatures d'Allah Azzawajal, présentes dans les cieux et dans la terre, étaient placées sur un plateau, sur l'un des plateaux d'une balance, et que cette parole, la ilaha illallah, était placée sur l'autre plateau de la balance, malat bihin, c'est-à-dire que la ilaha illallah aurait le dessus, et la balance pencherait et tendrait vers le côté de la ilaha illallah. Je ne sais pas si vous imaginez la force de ce hadith et les sens profonds qu'il renferme si l'ensemble des créatures dans les cieux et dans la terre étaient sur un plateau d'une balance. Imaginez le poids de ceci, eh bien, toutes ces créatures ne font pas le poids devant la ilaha illallah. المعنى الإجمالي للحديث لسان جنرال جو حديث أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به فأرشده الله عز وجل أن يقول لا إله إلا الله فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه وأنه لا شيء يعادله في الفضل. Le sens général du hadith. Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur subhanahu wa ta'ala de lui enseigner un rappel par lequel il ferait ses éloges et qu'il prendrait comme moyen de se rapprocher de lui. Allah Azza wa Jal l'a dirigé, l'a conseillé de dire La ilaha illallah. Moussa alayhi salam a pris conscience que cette parole était souvent dite par les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il voulait, par cette demande qu'il a adressée à Allah azza wa jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le privilège d'avoir un rappel ou une formule qu'il dirait et qui lui permettrait de se distinguer des autres. Allah azza wa jal lui a alors montré l'immense mérite de ce rappel qui est la ilaha illallah et que rien n'est équivalent à lui dans le mérite. Et que rien n'est équivalent à cette parole, à ce rappel dans le mérite. مناسبه الحديث للباب ان فيه بيان فضل كلمه التوحيد وانه لا شيء يعادلها في الفضيله. Donc le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith le mérite, le grand mérite de la parole du tawhid qui est la ilaha illallah et que rien n'est équivalent à cette parole dans le mérite. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan, izamu fadli la ilaha illallah. لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est l'immense mérite de la ilaha illallah, de par ce qu'elle contient comme tawhid, comme unicité et sincérité. ثانيا, فضل موسى عليه السلام وحرصه على التقرب إلى الله. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith, le mérite de Moussa عليه السلام et sa motivation et son dévouement à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, anna al-ibadata la takunu illa bima shara'ahu Allah, wa laysa lil-insani an yabtadi'a fiha min indi nafsih, li'anna Musa talaba min rabbihi an yu'allimahu ma yadhkuruhu bih. Troisièmement, on retient de ce hadith que l'adoration ne peut être faite que en conformité avec ce qu'Allah Azzawajal a légiféré. On ne peut adorer Allah Azzawajal que comme il l'a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Et il n'appartient pas à l'être humain d'innover dans l'adoration, d'innover des choses provenant de sa propre personne. Comment l'on déduit cela du hadith? Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit « Car Moussa, alayhi salam, a demandé à son Seigneur de lui enseigner une formule par laquelle il l'évoquerait. » Rabi'an, « Anna mashtaddati al-hajatu wa-d-daruratu ilayhi kana akthara wujuda, fa-inna la ilaha illallah » لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. Quatrièmement, l'on retient de ce hadith qu'une chose dont les gens ont besoin et eh bien cette chose est la plus répandue. Et parce que la ilaha illallah, parce que l'ensemble des mondes ont besoin de la ilaha illallah, eh bien, ce rappel, cette formule est la plus prononcée, et la plus facile à dire. كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. خامسا, c'est celle qui est la plus prononcée et celle qui est la plus accessible. خامساً أن الله فوق السماوات لقوله وعامرهن غيري. Cinquièmement, le retient de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Qu'Allah azza wa jal est au-dessus des cieux. Pourquoi? Comment on déduit? Car Allah Azza wa Jalla a dit, si les sept cieux et ce qu'elles contiennent en dehors de moi. Donc Allah Azza wa Jalla n'est pas dans les cieux, mais il est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Sadisan, annahu la budda fi dhikri bihadihi al-kalimati min at-talaffuz biha kulliha. ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله كما يفعله بعض الجهال. Sixièmement, le retient de ce hadith que ce rappel, c'est-à-dire la ilaha illallah, doit être dit en prononçant tous les mots et ne pas se contenter de prononcer le nom divin Allah uniquement comme le font certains ignorants. Ici, Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Dis la ilaha illallah. Ainsi, On n'est pas autorisé de dire, de faire un rappel en disant que Allah, comme le font les soufis en disant Allah, Allah, Allah, et ceci n'est pas légiféré en islam. Sabi'an, isbatu mizan al-a'mali wa annahu haqq. Septièmement, il y a dans cela l'attestation de la balance, que les actes seront pesés et que ceci est vérité. Thaminan, أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل التوحيد على فضل لا إله إلا الله. Huitièmement, on retient de ce hadith que les prophètes et envoyés d'Allah ont besoin qu'on les interpelle sur le mérite de la ilaha illallah. Si les prophètes ont besoin qu'on les interpelle sur le mérite de la ilaha illallah, que devons-nous dire des musulmans en général et des musulmans à notre époque? Eh bien, ce ne sont pas des interpellations qu'il faut, mais c'est presque un enseignement qu'il faut reprendre à zéro, Allahu a'lam. Tasi'an, an al-aradina sab'un kas-samawat. Neuvièmement, on retient de ce hadith que les terres sont au nombre de sept comme les cieux. Que les terres sont au nombre de sept comme les cieux. Salam Khatullah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي والدارمي وأحمد وحسنه الترمذي. السلام عليكم. Et selon l'imam Tirmidhi, rahimahullah, donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit, et selon l'imam Tirmidhi, dans un hadith qu'il a lui-même jugé bon, selon Anas radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah, exalté soit-il, a dit, ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent de ce qui est contenu dans la terre comme péché, si tu venais à moi avec des péchés équivalents à ce qui est contenu sur la terre, puis que tu me rencontres sans m'associer, sans ne rien m'associer, je viendrai à toi avec l'équivalent en pardon. Avec l'équivalent en pardon, c'est-à-dire l'équivalent du contenu de la terre en pardon. En pardon. Anas, huwa Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari al-Khazraji, khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. خدمه عشر سنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة مات سنة 92 وقيل سنة 93 وقد جاوز 100 أنس رضي الله عنه كي أنس ابن مالك ابن النضر أنصاري également. Et c'est également un Khazraji de la tribu de Khazraj, et c'était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur lorsqu'il a dit alayhi salatu wa sallam, ô Allah, donne-lui beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, et fais-le entrer au paradis. Il est mort à l'âge de 92 ans, et il a été dit également qu'il est mort à l'âge de 93 ans. Afwan. Il est mort l'année 92. Il a été dit l'année 93 de l'Hégire, et il est mort en ayant dépassé la centaine. Rahim radiyallahu ta'ala anha. وللترمذي وحسنه أي وروى الترمذي في سننه الحديث المذكور وحسن إسناده. Et d'après l'imam al-Tirmidhi qui l'a jugé bon, c'est-à-dire que ce hadith est rapporté dans les sunnans de l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, et il a jugé la chaîne de transmission comme étant bonne. قراب بضم القاف وقيل وقيل وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها ثم لقيتني لا تشرك بشيئا أي ثم مت حال كونك سالم من الشرك وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة مغفرة الغفر لغة الستر وشرعا تجاوز الله عن خطايا وذنوب عباده قراب dans le hadith لو أتيتني بقراب قراب بضم القاف وقيل بكسرها on peut dire قراب ou قراب mais le plus répandu est قراب c'est-à-dire le contenu ou presque le contenu. Puis lorsque Allah Azzawajal a dit, puis que tu me rencontres sans ne m'avoir rien associé. Puis que tu me rencontres, c'est-à-dire, puis que tu meurs, alors que tu étais préservé du polythéisme. Et ceci est une condition pour bénéficier de la promesse d'Allah Azzawajal de lui apporter l'équivalent en pardon. C'est la condition. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا puis que tu me rencontres c'est-à-dire que tu meurs en n'associant rien à Allah subhanahu wa ta'ala maghfira et je t'apporterai l'équivalent en le contenu en pardon al ghafru wal ghufru dans langue arabe c'est le fait de cacher et dans la langue juridique en islam cela veut dire le pardon, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal est clément et pardonne les erreurs et les péchés de ses serviteurs. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général du hadith. Yukhbiru an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an rabbihi azza wa jal annahu yukhatibu 'ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatihi وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء sans général du hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de son seigneur qu'Allah azza wa jalla s'adresse à ses serviteurs en leur montrant l'immense étendue de ses bienfaits et de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, et qu'il pardonne les péchés, quelle que soit leur quantité, lorsqu'ils ne sont pas du polythéisme, lorsque ces péchés ne font pas partie du shirk. Et ce hadith est similaire à la parole d'Allah Azza wa Jal, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne en dehors de cela, c'est-à-dire en dehors du shirk, à qui il veut. À qui il veut. Donc Allah Azza wa Jal pardonne les péchés en dehors du shirk. Si il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que les savants disent que celui qui meurt en faisant des péchés sans avoir commis du shirk, qu'il est fawa tahta al-mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah. Insha'a azzabah wa insha'a ghafara lah. Si Allah veut le châtier, il le châtie. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Si Allah le châtie, c'est par justice. Et si Allah le lui pardonne, c'est par miséricorde. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ce sont ses serviteurs qui seront au contraire questionnés. Munasabatu al-hadith lil-bab. أن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت. Le contexte du hadith dans ce chapitre, il y a dans ce hadith une preuve des nombreux mérites du tawhid et que le tawhid expie les péchés même s'ils sont en grand nombre. Il expie les péchés, même s'ils sont en grand nombre. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan fadlu al-tawhid wa kathratu thawabihi. Premièrement, le mérite du tawhid et les nombreuses récompenses qui en découlent. Thaniyan, si'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwih. Deuxièmement, l'étendue immense du mérite d'Allah Azza wa Jal, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa clémence. Car Allah Azza wa Jal pardonne à une personne qui le rencontre alors qu'il a commis des péchés qui sont en nombre similaire ou presque à ce qui est contenu dans la terre. Thalithan, ar-raddu على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. Troisièmement, il y a dans ce hadith une réponse aux khawarij qui considèrent mécréants ceux qui commettent des grands péchés en dehors du shirk. Un des égarements de khawarij, c'est qu'ils disent que celui qui commet un grand péché est un kafir. Est un kafir qui sort de l'islam, et ceci est une réponse à, et ce hadith est une réponse à cette ambiguïté, car Allah Azza wa Jalla a dit, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. Si tu venais à moi avec des péchés équivalents au contenu de la terre. Ici, les péchés, est-ce qu'ils concernent les petits, uniquement les petits, ou les petits et les grands? Les deux, les petits et les grands, mais les grands, là il y a une exception, à condition que ce ne soit pas du shirk. Rabi'an, ithbatu al-kalam lillahi azza wa jal ala ma yaliqu bi jalalihi. Quatrièmement, il y a dans ce hadith l'attestation de l'attribut de la parole à Allah azza wa jal. Et Allah azza wa jal parle conformément à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله تعالى. Allah azza wa jal a dit. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteste à Allah l'attribut de la parole. خامساً بيان لمعنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك قليله وكثيره ولا يكفي قولها باللسان. Cinquièmement, on retient de ce hadith l'explication de la ilaha illallah. Et que la ilaha illallah signifie de délaisser le polythéisme, qu'il soit petit ou grand, et que le fait de le prononcer cette parole la ilaha illallah ne suffit pas. Sadisan, isbatul ba'thi wal hisab wal jaza'. Sixièmement, il y a la preuve dans ce hadith de la résurrection, du jugement et de la rétribution. Il y a dans ce hadith la preuve de la résurrection, du jugement et de la rétribution. Car Allah Azza wa Jalla dit « ثُمَّ لَقِيْتَنِي » puis que tu me rencontre. Quand est-ce qu'il rencontrera Allah Azza wa Jal? Le jour du jugement, lorsqu'il sera ressuscité et il sera jugé. Car Allah Azza wa Jalla dit لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا. Puis que tu viennes à moi sans avoir commis de chèque. Il y a dans cela la preuve du jugement. لا أتيتك بقرابها مغفر. Je t'apporterai l'équivalent du contenu de la terre en pardon. Et cela est la preuve de Al-Jaza. Que s'il nous pardonne, c'est qu'il rentrera au paradis. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك